bomba. Hã? Ah, Tigrinho, c'est quoi? C'est quoi? T'es tous un monde de moyens en même temps, Guyon! Merci. Toute polie, elle est vraiment très belle. Avec son tisier couleur, chaque fois qu'elle y passe côté de moi, un frisson y monte dessus moi. Mais qu'elle pique contre la moi, trop jolie de les bambous. C'est vrai de manier un bout d'un zali. Mais moi, m'y ose pas. Non, m'y aime à ou. Comme jamais, moi, l'aimé, moi, l'aimé foudou. Azot! Sentiment là, ça moi, là, juste pour. Il a pris mon bain, il était voulu nous dire dans sa solo. Alors mon bain t'es battu dans mon dos, mon corps t'écoute puis mon cerveau. Et là, moi t'es gêné, moi t'es pareil, un badin qui est dans mon bouche, mon langue est retourmaillée. Moi la bagaille que c'est. Yeah. Comme jamais. Le temps pour mon courage demain, le temps de dire ça là. Pour mon courage demain, m'arrête devant vous autres. Ah bon? En moi la prière, en courage demain. Des fois il faut forcer le destin. À la partie comme c'est qu'elle. Ça que m'y ressentait, l'île la picosée, elle embrasse en moi au thé. Pierre Marou, comme jamais moi l'aimais. Top, la main, the top. merci. Un jeune de maman à la rue à Saint-Joseph. Chante Théâtre Saint-Gilles, là, ça. 20 ans de monde comme ça. Et en plus, tant de monde qui met de l'ambiance comme ça. Beaucoup de joie dans mon cœur, en tout cas, d'être là avec vous ce soir. Je remercie vous toutes, depuis d'hier là, jusqu'en l'air là-bas. Tout bon quartier, tout, n'importe quel, où ça se sort. Merci vous toutes, merci pour votre soutien. Il fait plaisir de voir que Créole y gagne encore apprécier la musique. Et il fait plaisir de voir ça. Merci à vous. Merci. Et c'est un honneur pour moi ça d'avoir chanté les chansons de mon papa pour vous. Et t'es avec un grand plaisir que moi la fais ça, tu peux croire moi. Hein? Avec beaucoup d'émotions aussi. Hein? N'a pas manqué de temps en temps, le cœur est gros, t'es gros, un goût, mais bon, Dieu, tu pleures pas. Hein? Malgré que je pleure un peu, on va avoir un mental. Je sens juste comme ça, hein? Juste pour voir. Miamaou, comme jamais. Oh, Miamaou, sentiment là, ça m'a. Oui, mais y'a Maou qui t'a inventé des mots pour dire ah, ouh, ouh, ouh. Merci beaucoup. Merci. Applaudis toute bande musicien. Tout ça qui était à la dire, moi, là. À la régie, tout ça. Tout ça qui était hier dans l'ombre. Merci beaucoup. À ce terme, ça m'a l'air d'accueillir. C'est un grand monsieur aussi dans la musique. Non, c'est pas lui. Et lui est pas si grand que ça, hein. Arrête un peu. Penche un petit peu. Penche encore. Non, c'est pas où. Lui fait le tour, des fois lui revient. Je fais le tour. Boum, mademoiselle, vous connaissez? Peut-être que vous croyez que vous ne connaissez pas son genre, vous connaissez aussi, moi.